Bon papa maman, je vais mettre les choses au clair. Je suis pas pédé, ok. Je suis pas pédé, pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, pas pédé, pas pédé. He's gay. Lopette, sale petit pédé. He removes his condom like Rockaway. J'aime les jeunes et les grands-mères. Je me suis déjà masturbé sur la reine d'Angleterre. Je suis pas pédé, ok, juste célibataire. Aucune fille ne voudrait de moi, même si j'étais le seul mâle sur Terre. C'est pour la science que je regarde du porno gay. Je suis abonné à Gémiscore, mais c'est juste par curiosité. J'ai déjà sucé un pote, mais c'était juste pour dépanner. Je l'ai laissé m'enculer, mais nos couilles se sont pas touchées. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je baise plein de meufs, mais seulement dans mes rêves. Celle que j'aimais ma freine désonnée, tant pis je crève. Cette salope changera d'avis quand j'aurai du pèse. En attendant je touche mon RSA et j'attends le topic sur les pieds des japonaises. J'écoute de la K-pop car les meufs sont bonnes. Je me fais traiter de gay, même sur le forum. Je suis prêt à baiser n'importe qui, même Lily du Rhône. Ma vie c'est un ramassis de conneries, comme Respawn. J'ai déjà payé une escorte. Elle a pris mon oseille et m'a foutu à la porte. Y a pas eu de pénétration, hein. On n'a pas fait crac crac, croyez-moi. Je suis pas pédé, non je suis pas comme Rivalac. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. Je suis pas pédé, non pas pédé, pas pédé. On s'en fiche de tout ça, tu sais qu'on t'aime quand même. Est-ce que t'as déjà posté sur le topic gay, Ebi? Oui, maman. Oh mon Dieu. Et sur le topic, mon petit poney? Oui. Oh non, là c'en est trop. Angelo, je te renie tes plumes, mon fils. Va te faire trouer l'anus, petit pédé. Mais, maman, s'il te plaît. Chérie, t'y vas peut-être un peu fort, non? Toi ferme la petite bite. De toute façon, t'es pas son vrai père. Je me suis faite déboîter par le facteur pendant que tu étais à ton cours de tennis. Connard, va. Je te pisse à l'arrêt. Ok, désolé.